le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Peau, drap, étoffe, quand se vêtir déteint sur l'environnement. Il n'est pas besoin d'ouvrir le dictionnaire pour se rendre compte que l'eau de la rivière a changé de couleur, que les poissons flottent à la surface et que l'air est en puanti. Mais quel mot utiliser ? Corruption, insalubrité, saleté ? Ou alors nuisance, un mot du 18e siècle, 12e siècle, utilisé au 18e, dérivé de nuire. C'est ce que nous explique le dictionnaire de l'Académie française, nuisance, le plus souvent au pluriel. Phénomène qui porte atteinte aux conditions de vie, altère la santé, dégrade l'environnement. Corruption, insalubrité, nuisance et pourquoi pas pollution. Thomas Leroux, bonjour. Bonjour. Le mot pollution est un mot de notre vocabulaire, hélas, presque quotidien. Pourtant, par le passé, il existait un champ lexical beaucoup plus vaste pour parler de ces désagréments liés à la pollution, j'utilise le mot actuel, de l'environnement. En effet, l'évolution du champ lexical est vraiment intéressante puisque, comme vous l'avez dit, on est passé du mot corruption ou insalubrité et surtout du mot nuisance au mot pollution. Alors, ce mot pollution, il s'est popularisé dans le débat public à partir des années 1960. À partir de la fin du 19e siècle, dans les milieux scientifiques, le cercle des ingénieurs ou des chimistes. Mais auparavant, on utilisait surtout le mot nuisance. Et le basculement, en fait, de cet usage du mot nuisance vers le mot pollution traduit, en fait, deux phénomènes très intéressants. Le premier, c'est un changement d'échelle. La nuisance, elle est locale et donc la résolution des problèmes est locale. Avec la pollution, on est sur des phénomènes géophysiques ou chimiques qui incorporent une notion d'une échelle beaucoup plus vaste qui déborde l'échelle locale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose très intéressante, c'est que avec le concept de nuisance, on est dans une perception du phénomène de la pollution, si on reprend le mot de nos jours, qui est incorporée dans la sphère sociale. C'est-à-dire que la nuisance, c'est aussi une capacité d'action juridique pour lutter contre cette nuisance, donc contre la pollution, où toute la société est concernée. Avec le mot pollution, on s'en réfère beaucoup plus à une expertise chimique ou une expertise scientifique qui aboutit finalement à délégitimer la parole citoyenne ou la parole de simple habitant face à la perception du phénomène et sa résolution. Et en quelque sorte, passer de la nuisance au XVIIIe siècle à la pollution au XXe siècle, c'est aussi dire aux citoyens et aux habitants qui ne sont plus concernés par ce phénomène, qui va être pris en charge par des experts faire basculer cette notion d'une appréhension sociale avec une capacité d'action très très forte à une appréhension plutôt physique où politiquement, on commence à être démunis même. Et l'approche de ces phénomènes par le vocabulaire nous montre aussi que s'il existe un mot par le passé nuisant, c'est qu'il y avait cette perception. C'est important déjà de le dire, c'est que la notion que l'environnement peut être dégradé par des activités humaines est quelque chose qui est lié à l'histoire même de ces activités. Depuis toujours, on se plaint. Depuis toujours, on se plaint parce que c'est jamais agréable d'être voisin d'un atelier ou d'une manufacture qui dégage une mauvaise odeur ou qui souille les eaux locales. Et donc, en fait, quelle que soit la période historique, c'est peut-être quasiment même anthropologique, les sociétés humaines sont très conscientes des problèmes et des perturbations, des activités de production, des altérations de l'environnement, mais surtout des altérations de la vie en communauté, notamment en communauté locale. Donc on parle souvent, par exemple, d'une prise de conscience des dégâts environnementaux du système productif depuis quelques années. On parle du changement climatique, etc. Bon, quand on regarde l'histoire, il y a une série de moments, en fait, où cette prise de conscience, ou plutôt cette préoccupation ressort pour des raisons diverses, et notamment dans des dynamiques sociales. On pense aux années 70, par exemple, qui avec la naissance de l'écologie politique, mais c'est la suite aussi de mouvements sociaux très importants dans les années 60, avec une espèce d'indigestion des Trente Glorieuses et de la société productiviste. Mais quand on regarde dans le passé, encore plus loin, donc même au XVIIIe siècle ou même avant, mais ça se passait surtout à l'échelle locale et non pas nationale, il y a beaucoup, enfin, on voit beaucoup de mouvements de plaintes, de pétitions et des régulations en fait extrêmement fortes. D'ailleurs, les régulations d'Ancien Régime avant la Révolution française, elles sont encore plus fortes que les régulations postérieures du XIXe siècle ou du XXe siècle. Une histoire particulièrement locale qui s'écrit sur le temps long, petit tour à Millau. La ville de Millau se trouve en confluent. Ça a donc été un carrefour. La preuve en est par l'existence des voies romaines. Un confluent qui voyait passer des migrations ou autres devient forcément commercial. Devenant commercial, les industries avaient tendance à s'y grouper. Or, les pots se tannent depuis des siècles et des siècles pour vêtir les gens et puis après pour faire toutes sortes d'accessoires. Principalement, autrefois, c'était le harnachement, bien sûr. Lorsque la France était hypomobile à 100%, et les autres pays aussi, l'harnachement prenait une place énorme. Il y avait donc des tanneries à Millau, c'est-à-dire des tanneries, des usines, on peut pas dire ça, c'était des manufactures, mais tout le travail était manuel. Voilà, nous étions à Millau dans les chemins de la connaissance sur France Culture en 1986. Thomas Leroux ici, il était question des tanneurs. Peut-on dire que la nuisance est ressentie particulièrement dès que l'eau est touchée? L'eau est essentielle dans cette histoire de ce que nous appelons aujourd'hui les pollutions. Oui, bien sûr, parce que l'eau, c'est vital. Avant les grands systèmes d'adduction d'eau du 19e siècle, en fait, l'eau qui est consommée, c'est une eau locale. Parfois même micro-locale, c'est le puits de la cour de là où on habite. Et donc, il est absolument indispensable que cette eau soit potable, ne soit pas souillée. C'est d'ailleurs pourquoi les régulations et la répression des pollutions et des nuisances est extrêmement forte. Parce que avant ces grands systèmes d'adduction d'eau ont été conçus par les ingénieurs au 19e siècle, globalement, mis à part quelques exceptions, on puise l'eau vraiment là où on habite. Il faut donc que cette eau, qui est vitale pour la survie des communautés locales, soit absolument propre à la boisson, en fait. Et puis on le voit très vite, hein, c'est vrai que si l'eau est souillée, nous parlons de pollution, mais cela peut prendre tous les sens, c'est-à-dire que du purin rejeté dans un étang, l'étang n'est plus utilisable, il est pollué. Mais avec la question de l'activité humaine, eh bien d'autres questions se posent. Bonjour Jean-François Bellost. Bonjour. Ces activités pré-industrielles pollue énormément. Mais là aussi, nous sommes sur un temps très long. Si nous parlons de tout ce qui concerne les tanneurs, la teinture, etc., nous avons quelque chose qui est immémoriel dans l'Antiquité, déjà en tanne d'ailleurs, avec des techniques qui changent peu, mais qui polluent beaucoup. Oui, oui. Et alors, à Paris, puisque nous allons parler de Paris, il y a une rivière qui accueille justement toutes ces activités. Depuis au moins le Moyen-Âge, peut-être avant, c'est la rivière de Bièvre. La rivière de Bièvre qui coule donc sur le versant sud de la Seine et qui se jette du côté du pont d'Austerlitz, qui a aujourd'hui disparu puisqu'elle est recouverte, mais qui a été un endroit où l'industrie a été très très foisonnante. Elle a été accueillie, encouragée, tolérée, on peut dire, et on a en effet, comme on vient de le dire, imaginé toutes sortes de techniques, toutes sortes de juridictions pour pouvoir au mieux réguler ces nuisances tout en les acceptant. Alors c'est très intéressant de voir les débuts, l'essor de la Bièvre. Elle se fait finalement parce que on n'en veut plus sur la Seine. On n'en veut plus sur la Seine, et notamment du côté de l'hôtel de ville, des Halles. Il y a des endroits dans la topographie parisienne qui nous rappellent cette présence de tannerie et de teinturerie. Ce sont les deux industries majeures, avec le quai de la Mégisserie, aujourd'hui la rue de la Tannerie. Et au XVIIe siècle, ces industries ont été éliminées de manière par le pouvoir. On est dans les années 1660, au début du règne de Louis XIV. On se plaint, entre autres, alors on revient à la question de l'eau, hein, que les gens qui viennent, les porteurs d'eau qui viennent prendre l'eau à cet endroit de la Seine, distribue une eau qui est réputée extrêmement dangereuse et qui provoque en particulier des maladies, notamment la fameuse maladie de la pierre. Donc, les chevaux aussi qui viennent s'abreuver meurent, paraît-il, brutalement sans qu'on sache pourquoi. Donc, il y a vraiment une montée en puissance de l'anti-industrie dans cette ville. La ville de Paris, qu'il faut rappeler, est une très grande ville industrielle. C'est la capitale industrielle de la France dans ses limites intramuros. Hein. Ceci jusqu'à ce qu'elle s'en aille dans les faubourgs hein, et puis dans la banlieue. Elle est concentrée même au centre-ville. Et là, il y a un mouvement centrifuge qui consiste à l'évacuer autant que possible, tout en la conservant, parce que elle est source de richesse. Donc il y a cet antagonisme entre ce qu'apporte l'industrie au commerce, à la consommation, à toutes sortes de choses, et les nuisances qu'elle crée. Très bel exemple que celui de la Bièvre, cette rivière qui coule, qui est un affluent de la Seine, hein, sur la rive gauche, qui traverse comme ça le 13e arrondissement, qui arrive, bah tiens, jusqu'à la rue de Bièvre, bonjour monsieur Mitterrand, qui habitait là, et qui devient, vous nous dites, Jean-François Bellost, une rivière où s'installent ces différentes industries. Mais pour bien saisir, en quoi sont-elles polluantes? Comment fait-on? Parce que il y a le cuir, il y a le tissu qu'il faut teindre. En quoi c'est polluant? Alors, on a des indications dès le XIIIe siècle de l'occupation par les teinturiers de cette rivière de Bièvre, mais l'essor date de la fin du XVe siècle, de la Renaissance, avec une montée en puissance au XVIe siècle. Donc c'est une industrie de la Renaissance, avec des Italiens qui arrivent et qui installent donc des teintureries, en particulier ces fameuses teintures en écarlate. Donc ce qu'il faut voir, c'est que certes elle pollue, mais en même temps elle produit des produits magnifiques, ces teintures superbes, avec le pastel pour les bleus, qui donne les noirs, l'écarlate qui donne les rouges. Donc ces industries teinturières s'installent à cet endroit-là parce que précisément on n'en veut pas trop ailleurs, et que paraît-il l'eau est tout à fait adéquate pour ce genre d'activité qui nécessite des grandes cuves et le travail de ces ingrédients, de ces teintures, avec des ajouts de produits comme l'alun. On n'obtient pas le rouge sans l'alun. Et tous ces ensuite on lave les draps, on rejette le fond des cuves et ça crée justement cette pollution largement visuelle, hein, c'est-à-dire que les poètes à l'époque disent que l'eau est noire et en même temps il faut bien dire non potable. Mais tant pis, on accepte que la Bièvre soit sacrifiée parce que on veut que la Seine elle soit préservée et qu'on puisse y boire, au détriment souvent de la santé d'ailleurs. Au détriment de la santé, mais pour l'industrie, Thomas Leroux, quand nous écoutons cette description de l'activité sur la Bièvre, nous entendons qu'il y a de l'activité pure, c'est-à-dire le travail sur le tissu pour le transformer, mais avec d'autres matériaux. L'histoire de la pollution est une histoire beaucoup plus large que simplement s'intéresser à une fabrique sur une rivière, même si elle pollue. C'est-à-dire qu'il faut saisir la contamination du monde, c'est le titre de votre ouvrage avec François Jarige. Il y a une économie gigantesque autour de cela, tous les ingrédients qui sont nécessaires, et puis, eh bien, ensuite, tous les territoires pollués par ces produits. Oui, c'est une histoire de long terme qui concerne en fait toute zone qui accueille des ateliers et des manufactures. Ce qui est peut-être important de noter là sur la pollution de la Bièvre, de la Seine et de cette époque avant la révolution industrielle, pour aller vite, c'est qu'on est dans des activités qui sont très odorantes en fait. C'est aussi l'odeur, c'est aussi un signal avec des zones où l'eau devient non potable, c'est le cas de la Bièvre, hein, dès le XVIIe siècle, on sait qu'elle n'est plus potable. Mais nous sommes dans des activités, en fait, aussi, où on manipule des matières organiques, sans chimie de synthèse, et que ce soit pour la teinture, en fait, on est souvent sur des plantes, parfois sur des oxydes métalliques, mais surtout sur des plantes. Et cette pollution, premièrement, elle est très encadrée. Par exemple, on ne peut rejeter dans la rivière, théoriquement en tout cas, c'est les règlements, que les eaux de lavage. Les décoctions, les résidus solides doivent être en fait stockés dans des cuves ou dans des trous dans la terre, puis ensuite sont versés dans les champs et ça sert d'engrais en quelque sorte. Donc ce sont des pollutions qui sont peut-être très odorantes et un peu peut-être spectaculaires à certains moments, mais qui altèrent assez peu l'environnement, en tout cas si on les compare aux pollutions du 19e siècle avec ces produits de synthèse, les colorants artificiels et puis la grosse industrie qui est fondée sur la houille, etc. Ça, c'est la première chose. Et puis, elles sont assez limitées dans l'espace, c'est-à-dire que même si on trouve des grosses manufactures, déjà sous l'Ancien Régime, globalement, on est sur des unités de production assez petites, ce qui fait que le niveau de pollution reste finalement, si on le compare toujours au 19e siècle, assez faible. Et si, par exemple, on revient aux tanneries, à la fin du XVIIIe siècle, il existe 5000 tanneries en France. Donc, tout à l'heure, on a entendu l'extrait de la tannerie de Millau, qui était une grosse tannerie qui reposait sur l'usage du chrome, par ailleurs. Avant l'usage du chrome au cours du XIXe siècle, la tannerie, c'est la lin, c'est de l'acide carbonique faiblement dilué, très dilué. Et puis, on parle de tannerie parce qu'on utilise le temps, c'est-à-dire l'écorce de chêne. Et donc, on est dans des processus, on va dire, naturels, c'est-à-dire, évidemment, il y a des transformations chimiques et une certaine forme d'altération, mais avec une forme d'auto-épuration, finalement, sur le long terme. La pollution est très faiblement rémanente, alors qu'avec le chrome, ensuite, au XIXe siècle, elle devient beaucoup plus fortement. Et il y a un autre aspect aussi, c'est que les chimistes de la fin du XVIIIe siècle tente d'améliorer les procédés de tannerie pour, par exemple, supprimer les mauvaises odeurs. Ils font des essais, notamment en utilisant des acides forts, donc acide sulfurique, acide chlorhydrique, etc. Et une mutation fondamentale qui va aboutir aussi à une transformation du niveau des pollutions et de leur nature même, c'est de tenter de faire du cuir, puisque la tannerie, c'est le passage des peaux de bête au cuir. Ça prend beaucoup de temps par les procédés organiques, la lin, des acides faibles, le temps, etc. Ça prend plusieurs années, en fait, pour fabriquer du cuir. Et donc, sous la Révolution française, on tente, et ça, c'est sous l'influence des chimistes autour de Lavoisier, de tanner avec de l'acide sulfurique. Et l'acide sulfurique, c'est extrêmement, en fait, nuisible à l'économie animale, comme on disait à l'époque. Et sous la Révolution française, une grosse manufacture d'usines sulfuriques est créée sur l'île de Sèvres. C'est l'île Séguin actuellement, donc près de Boulogne-Billancourt, en aval de la Seine. Donc là, on est en aval, on n'est plus en amont comme pour la Bièvre. Mais les procédés de fabrication sont extrêmement violents puisque les peaux sont passées à l'acide sulfurique directement pour être transformées en cuir. Alors ça produit un cuir de très mauvaise qualité en fait, puisque le procédé va être ensuite abandonné. Mais là, on a une pollution réellement massive en fait par ces changements de technique qui sont issus de la recherche fondamentale en chimie et de ces grands chimistes autour de Lavoisier. Donc là, en l'occurrence, c'était Armand Séguin, le chimiste, d'où ensuite le nom de l'île Séguin, qui avait créé cette manufacture. Mais c'était un collaborateur de Lavoisier et gravité avec Chaptal, Guiton de Morveau, Fourcroix, ces grands chimistes de la révolution chimique des années 70-80, 1770-1780, et qui ont tenté finalement de transformer les modes de fabrication à l'aide de la chimie minérale. Voilà, c'est une histoire de temps, le temps de l'écorce, l'écorce du chêne, et puis c'est une histoire de temps, du temps qui passe. Mais Thomas Leroux, il y a surtout cette idée d'intensification de la production. Quand vous nous dites que, en fait, une petite manufacture ne pollue pas tant que ça, tant par les procédés utilisés, en tout cas avant l'utilisation d'acide sulfurique, mais c'est la multiplication, en fait, sur un site qui va engendrer des nuisances gigantesques. C'est vraiment cette idée-là, parce que nous évoquons souvent le 19e siècle comme étant le siècle de la pollution. Les procédés en germe sont déjà là. Mais vous multipliez, vous agrandissez les manufactures, et là, vraiment, les nuisances sont ressenties de manière beaucoup plus forte. La pollution, c'est un problème de volume et c'est un problème de qualité, enfin de qualité, c'est-à-dire de mode de production. C'est les deux, en fait. Donc effectivement, au XVIIe siècle, avec le nombre de tanneries sur la Bièvre, on en parlait, même si isolément, elles polluent pas tant que ça. Enfin, si elles étaient sur un site isolé, il y aurait une forme d'auto-épuration du milieu. Ce serait pas très agréable d'être juste à côté, ça c'est vrai. Mais leur multiplication a fait que la rivière de Bièvre, qui est pas très large, hein, c'est 3-4 mètres de large, la rivière de Bièvre, en arrivant dans Paris, elle a été saturée. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, on compte une trentaine de tanneries sur le long de la Bièvre, intramuros, hein, donc sur dans le faubourg Saint-Marcel. Donc, de ce fait, l'accumulation de petites unités de production aboutit effectivement à une pollution un peu plus massive. Avec la révolution industrielle, cette accumulation, elle se produit dans des territoires de plus en plus vastes et quasiment partout sur les territoires, enfin, dans les zones industrielles en tout cas. Et donc, ça renforce la pollution, même si les techniques ne changeaient pas. Ça, c'est évident. Il se trouve que, avec cette révolution industrielle, de nombreuses techniques changent en fait. On a parlé de la tannerie, mais finalement, quels sont les deux piliers de la révolution industrielle? C'est le textile et la métallurgie. On parle évidemment toujours de ces deux secteurs parce que c'est eux qui ont porté effectivement cette industrialisation. Mais dans les deux cas, en fait, il n'y aurait pas eu de décollage sans la chimie. Oui, c'est ça. Parce que dans les deux cas, il faut... Dans les premières décennies de l'industrialisation, c'était les acides qui étaient très importants. D'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, l'acide sulfurique est un bon marqueur de l'activité économique mondiale. Mais l'usage massif d'acide sulfurique à partir des années 1780, 1790, enfin, massif, il n'était pas encore à l'époque, mais ça en devient un usage de plus en plus courant, change la nature des pollutions, puisque ça crée des pollutions acides à la fois dans le sol, dans l'eau, et aussi dans l'air. D'ailleurs, c'est au début du 19e siècle, dans les années 1800-1810, que un médecin qui s'appelait Faudéré réussit à montrer qu'il existe des pluies acides. Alors, il parlait pas de pluies acides, l'expression est arrivée plus tard, mais il avait mis en valeur, en fait, le mécanisme de ces usines chimiques. Alors, en l'occurrence, c'est les usines de soude artificielle. C'était fabriquer de la soude pour la savonnerie ou la verrerie à partir de sel marin et d'acide sulfurique. Donc, le dégagement d'acide chlorhydrique avec cette production dans l'atmosphère, cet acide chlorhydrique se condense dans l'atmosphère et retombe sous forme de pluie ou de brouillard sur les végétaux et les brûle et autour des usines de soude au début du 19e siècle. Donc, et c'est là qu'on change de nature aussi. Et non pas seulement en volume, puisque avant la soude, c'était une soude naturelle. On faisait brûler des plantes alcalines, des plantes marines pour recueillir une poudre un peu salée. Et puis, c'était une forme de potasse, en fait, et ça servait donc c'était une soude végétale. Avec un changement de production et le passage aux acides minéraux, donc avec un usage de sel marin, on passe à une soude artificielle, soude factice, on l'appelait à l'époque, qui dégage en fait des pollutions, quel que soit le volume de production, bien supérieur et qui aboutit finalement à ce que toutes les vergers, les cultures aux alentours de ces fabriques sont brûlées. Donc on a à la fois un problème de volume, avec une multiplication du volume, évidemment ça crée une multiplication des pollutions, mais aussi de nature, de type de production et de manipulation. Et puis il y a cette révolution industrielle que nous évoquons, mais il y a plus globalement une révolution du commerce, hein, qui fait que la production est plus importante, la demande étant plus importante et les moyens permettent de produire plus. Il n'y a pas que du cuir, il y a aussi des gants, il n'y a pas que Paris, il y a aussi Saint-Junien en Haute-Vienne. Placé au centre d'une région d'élevage où abondait la matière première, peau d'agneau et de chevreau, Saint-Junien devait dès l'XIe siècle se spécialiser dans des fabrications que favorisaient les qualités exceptionnelles des eaux de la Vienne. Un chroniqueur du XVe siècle, le père Bonaventure, rapporte que Louis XI fit une entrée triomphante à Saint-Junien où les gantiers, en tête des corporations, vinrent lui offrir des gants ainsi qu'à sa royale compagne. Sous Louis XIV, Madame de Sévigné écrivait à sa fille qu'elle avait vu la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus inouïe, en l'occurrence une paire de gants de canepin, triomphe à l'époque des gantiers de Saint-Junien. Puis vint l'Empire, ganté à souhait, la Restauration, où des dandys comme Brumel portaient 24 paires de gants, une pour chaque heure de la journée. Ensuite vint la période où l'on vit les gantiers de Saint-Junien vêtir les mains du Saint-Père et celles des plus célèbres stars d'Hollywood. Le Saint-Père étant peut-être une des plus célèbres stars, pas d'Hollywood. Nous étions en 1979 dans l'émission Midi Atlantique avec ces gantiers de Saint-Junien. Et ici, c'est un très long panorama, hein, sur une activité, on va dire, locale et qui se développe de plus en plus avec cette notion de travail du cuir. Jean-François Bellost, est-ce que le cuir a quelque chose de particulier dans cette histoire de nuisance? C'est vrai que la teinture, et nous l'entendons bien, il y a tout un aspect particulier lié aux plantes utilisées, que l'on rejette, etc. Le cuir est quelque chose de différent encore dans cette histoire-là. Oui, oui, on a vu pour la teinture qu'on rejetait surtout des produits tinctoriaux, qui sont des produits végétaux, et avec le cuir, on rejette des produits animaux. Et c'est vrai que ça fait davantage peur d'une certaine manière. Alors, pour revenir à cette histoire de Bièvre et de son temps long, il faut évoquer le fait qu'elle s'est densifiée, en effet, entre la Renaissance et la Révolution industrielle. Les fabriques se sont multipliées et il y a une sorte de zonage qui s'institue. En amont, les teintureries, en aval, les tanneries, qui rejettent un produit jugé plus néfaste, plus salissant. Et puis, s'ajoutent aussi les blanchisseries et les aminoneries. Ça fait beaucoup de monde, hein, donc il y a une montée en puissance. Alors, il faut quand même, moi j'aime bien quand même rappeler l'importance industrielle de cette zone et de Paris en général. Alors, on évoquait le dandysme, je rebondis là-dessus. À quoi servaient les teintures, notamment au XVIIe siècle, après que, suite à la crise des guerres de religion, il y a une sorte de rebond qui s'opère à la fin du XVIIe siècle, avec notamment le fait que les teintures sont chassées du centre de Paris. Eh bien, ces teintures servent à teindre les draps de laine, essentiellement la laine, hein, et des draps de laine de très haute qualité. Et ces draps de laine de très haute qualité vont servir à l'habillement masculin. Et on a une révolution vestimentaire qui apparaît à ce moment-là, à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le trois pièces, hein, juste au corps, veste et autres, avec une mode masculine extrêmement vivace, qui est en quelque sorte portée par ces couleurs étudiées par Michel Pastoureau, qui sont en particulier le bleu, le noir et le rouge, ce fameux rouge qui dorénavant n'est plus fabriqué avec du kermès, mais avec de la cochenille qui vient d'Amérique. Et alors donc là, il y a un mouvement, disons, de grand succès de ces draps fins, colorés. Donc je reviens à la teinture, mais teinture et tannerie, ça va vraiment ensemble, c'est lié à l'habillement, justement, en grande partie, et avec la ganterie. Il y a un personnage très intéressant qui est propriétaire d'une fabrique de teinture, et même plus généralement d'ailleurs d'une manufacture de draps dans le quartier des Gobelins à ce moment-là, c'est Jean de Julienne. Jean de Julienne, c'est un industriel drapier, mais c'est aussi un mécène de la peinture. C'est le mécène de Watteau. On connaît le recueil julienne de ses gravures, dans lequel il y a des gravures de mode. Hein, je veux dire, Watteau, c'est aussi la mode. Donc tout se tient, et au Gobelin reste ce qu'on appelle la grande maison, avec son orangerie, dans lequel Jean Julienne exposait ses peintures, ses gravures, ses estampes. C'était une des plus belles collections de Paris, ce qui veut dire que quand même, on venait au Gobelin. Il y avait aussi la manufacture, bien sûr, qui avait été créée au XVIIe siècle de tapisserie. Donc, certes, un repoussoir avec les odeurs, avec cette couleur noire, mais aussi un attrait, parce que le produit est merveilleux. Thomas Lowe. Oui, moi je voulais ajouter deux choses sur la tannerie et la teinturerie rapidement. Premièrement, ce qui est frappant, c'est que au niveau de la tannerie avant le XIXe siècle, partout dans le monde, en fait, on fabrique du cuir. Le cuir, c'est vraiment très très important pour l'habillement, pour l'ameublement, pour pour tout ce qui concerne les chevaux, etc. Et puis l'harnachement, simplement pour les chariots, etc. Et donc, ce qui est frappant, c'est qu'on produit avec les mêmes techniques partout dans le monde, même sur le continent américain. Quand on a découvert les techniques des Amérindiens, on se rend compte. Et puis en Asie, c'est la même chose. En fait, c'est un résidu de la boucherie. Ces peaux ovins, bovins, etc. Et en fait, quand on mange la viande d'un animal, rien ne se perd, tout est transformé. Donc il y a les tanneries, mais on fabrique aussi de la colle forte avec les ligaments, on fabrique des petits objets avec les os, on fabrique de l'huile d'éclairage avec ce qu'on trouve dans les cornes et dans les pieds des bêtes. On fabrique aussi des chandelles avec le suif, c'est-à-dire la graisse des animaux. Donc c'est tout un ensemble, une espèce d'écosystème de la transformation animale qui est autour des tanneries. Ça sent d'ailleurs très très mauvais. Et sur la teinturerie, donc on a parlé de la laine, etc. Et la mutation de la révolution industrielle, c'est aussi le passage au coton, puisque c'est le coton qui va vraiment être un des fers de lance de cette révolution industrielle. Et avec le coton, on a aussi des teintures, mais d'une technique différente. On passe à l'indiennage, enfin, ce qu'on appelle l'indiennage, c'est-à-dire la mise en après en fait de ces étoffes de coton, mais sur des imprimés. Donc il y a une forme d'impression des motifs sur le textile directement, plutôt qu'une teinture dans des cuves comme ça. Et ça nécessite des nouvelles techniques aussi. Et c'est là que l'industrie chimique en fait rentre en force, parce que pour vraiment fixer ces couleurs, et les techniques étant différentes, on utilise de l'acide sulfurique. Et quand on regarde vraiment la localisation des manufactures de coton à la fin du XVIIIe siècle, on se rend compte que petit à petit, ces manufactures de coton créent des ateliers de chimie et des ateliers de fabrication d'acide sulfurique. Et le basculement de la laine vers le coton, même si on continue de fabriquer de la laine, etc., ça se fait progressivement, mais annonce vraiment un nouveau régime de pollution. Nous avons de nouvelles techniques, nous avons de nouveaux besoins, nous avons des concentrations de manufactures. Nous parlons de toute la France, bien sûr, mais en l'occurrence de Paris avec, c'est très intéressant cette démarche d'enlever de la Seine ce qui peut polluer la Seine, ce qui crée des nuisances, pour placer ces manufactures juste à côté, sur la rivière de la Bièvre, avec, on ne peut pas parler de politique environnementale, ce serait complètement anachronique, mais il y a déjà une réflexion sur comment organiser ces activités qui créent des nuisances. La manufacture des gobelins est, je me plais à le dire souvent, un des premiers exemples que nous ayons de ce que l'on appelle maintenant les nationalisations. Sous Henri II et Henri IV, ces rois avaient décidé de remettre en vigueur la vieille tradition française de la tapisserie qui s'était beaucoup perdue au profit des Flandres. Et ils avaient fait venir des tapissiers flamands qui avaient installé des ateliers privés sous protection royale dans le quartier des Gobelins, précisément parce qu'il y avait des Gobelins, les teinturiers, qui étaient là. Et c'était notamment l'atelier de Van den Planken qui a donné le nom de la manufacture de la planche. Ces ateliers sous protection royale ont une très belle production qu'on appelle les tapisseries de Paris du premier quart du XVIIe siècle. Et au hasard des partages, des successions, ces ateliers ont décliné. Et vers 1661-62, Colbert a racheté, centralisé et nous dirions maintenant nationalisé ces ateliers privés qui sont devenus la manufacture nationale des Gobelins. À Paris, dans le 13e arrondissement d'aujourd'hui, c'est Les Gobelins, présentés à la radiodiffusion télévision française en 1956. Jean-François Bellost, formidable, cette idée, par le pouvoir, hein, tout simplement, de créer quelque chose, en l'occurrence, sont Les Gobelins. Alors, ça me donne l'occasion de dire qu'elle existe toujours, cette manufacture, qu'on peut la visiter, c'est tout à fait passionnant. Il y a aussi des expositions qui se tiennent dans la galerie. Et puis, il reste la teinturerie. La teinturerie qui est en bas du site, qui donne sur la rue Berbier de Metz, qui est l'ancienne Bièvre. Alors, bien sûr, on n'utilise plus les eaux de la Bièvre, mais l'atelier de teinture existe toujours, avec des produits différents, certes, mais au même endroit. Et on peut le visiter, c'est tout à fait passionnant, ça nous projette en quelque sorte dans le XVIIe siècle, XVIe siècle, du temps des Gobelins, c'est-à-dire les Philibert et Jean Gobelin ont amené précisément cette teinture probablement de Venise, cette fameuse teinture en écarlate. Mais alors ici, il y a cette volonté pour lutter contre les nuisances, simplement d'éloigner éloigné un petit peu, là, c'est éloigné de la Seine, mais c'est pas éloigné de beaucoup. Thomas Leroux, malgré tout, il y a cette volonté de production. Quand nous parlons des Gobelins, nous évoquons Colbert, et il y a cette idée d'enrichissement du pays. Cette histoire de la contamination du monde, pour reprendre encore le titre que vous, de l'ouvrage que vous avez écrit avec François Jarige, c'est l'histoire d'un bras de fer entre les nuisances et puis, eh bien, l'utilité de ce qui est produit, mais de ce qui crée ses propres nuisances. En effet, il y a un bras de fer ou un arbitrage des autorités en fait à donner en fait entre encourager l'activité industrielle et aussi ne pas nuire à autrui par rapport à cette activité industrielle. Donc il y a une tension qui est permanente, ça c'est vrai. Et parfois des conflits internes aux autorités publiques en fait et aux différents échelons. Par exemple, les autorités locales, en fait, en général, ont une attitude qui est plutôt de préserver la coexistence pacifique entre les différents habitants et donc d'empêcher les sources de nuisances. En revanche, à l'échelle nationale, il y a une notion d'utilité publique qui devient synonyme de celle du progrès ou de prospérité au cours du 18e, 19e siècle. Et donc, d'encourager l'activité économique, quitte à sacrifier un territoire. Et donc, il y a cette tension qui est permanente, mais qui aussi recouvre parfois des échelons d'intervention différents. Et on se rend compte que, par exemple, les autorités de police, ce qu'on appelait les autorités de police, alors avec un sens un peu différent de nos jours, là, c'est pas la police de nos jours, mais les autorités de police donc, qui devaient préserver la santé des habitants aussi et leur tranquillité, la tranquillité publique, étaient relativement strictes. Et encore de nos jours, parfois au niveau local, on voit des autorités qui ne souhaitent pas l'implantation d'une usine très polluante tout près de chez eux. En revanche, à l'échelon régional, par exemple, l'encouragement économique fait que c'est encouragé. Donc il y a une tension parfois entre même les pouvoirs, en fait, ce qu'on appelle l'administration ou l'autorité publique, et parfois des conflits, y compris jusque au Conseil d'État, hein, puisque quand on regarde ces conflits en première instance judiciaire ou en justice administrative qui arrive au Conseil d'État, on voit bien que la logique de police, c'est-à-dire la logique de nuisance, en fait, est assez répressive par rapport à ces activités, alors que dans les départements de finances ou dans les départements d'économie, ce qu'on appellerait Bercy de nos jours, on est plus enclin à encourager l'activité industrielle. Et parfois, il y a des bras de fer, comme vous l'avez dit, entre différentes administrations. Donc là, de nos jours, ça pourrait recouvrir entre Bercy et le ministère de la Transition écologique, par exemple. On voit que les cultures aussi et les approches sont très différentes. Et on a des cas où, finalement, sous l'ancien régime, soit le roi ou après le Conseil d'État tranche. Et en général, au niveau national, il tranche en faveur de la production et de l'encouragement économique et casse ou invalide certaines décisions prises au niveau local, que ce soit par les autorités de police locale, par exemple le lieutenant général de police à Paris avant la Révolution française, ou les préfets au 19e siècle, ou parfois des pétitions qui sont soutenues par des conseils municipaux, des maires, etc. Donc on a cette tension. Mais au niveau local, le niveau local s'oppose parfois au niveau national. Au niveau national, il y a cette notion d'utilité publique qui est vraiment associée à celle d'encouragement économique. Et nous restons au niveau local avec la municipalité de Paris pendant la Révolution française. Avec ceux qui ont aussi leur mot à dire, ce sont les médecins. Les blanchisseuses, les teinturiers, les tanneurs, les mégissiers, une boyauderie, une manufacture de bleu de Prusse, plusieurs amidonniers et les égouts de Scipion et de la Salpêtrière fournissent la plupart de ces matières qui donnent à la vase une couleur noire et une odeur infecte. Les eaux même de la rivière en sont pénétrées et lorsqu'après les avoir retenues pour le service des moulins, on vient à les lâcher, il se répand par tout le voisinage une odeur insupportable. Pierre-Marie Baudouin, dans le cours de l'histoire, qui lisait cet extrait alors d'un rapport d'un médecin, il s'appelle Allé, un rapport sur la Bièvre. Nous étions en août 1790 et il est mandaté par la municipalité et la Société Royale de Médecine, oui, 1790, le roi est toujours là. Dites-nous, Jean-François Belost, il y a une vraie préoccupation. Et c'est vrai que cette préoccupation va conduire peu à peu à effacer les nuisances de la Bièvre? Ben, tout simplement en effaçant la Bièvre. Oui, et en effaçant ces industries aussi, autour de 1900, qui finalement à cette époque-là ne sont plus que des tanneries. Hein. Mais je voudrais, pour revenir sur cette tension, évoquer l'histoire de l'art. Convoquer l'histoire de l'art, c'est toujours intéressant parce que évidemment, on y voit ce qui se passe de manière tout à fait emblématique. Alors, la Bièvre, c'est un poème de Victor Hugo, mais qui nous parle d'une Bièvre rurale, campagnarde, très en amont. Mais c'est aussi un poète absolument extraordinaire qui s'appelle Claude Le Petit, qui a été brûlé en place de grève en 1662 pour blasphème, et qui dit « Peut-on appeler la Bièvre une rivière ? Ce pot de chambre pour les pourceaux. » Donc on voit sans arrêt cette tension entre les gens qui acceptent la Bièvre polluée parce qu'elle produit ses richesses, et les gens qui ne la supportent pas parce que c'est de puanteur et maladie. Jean-François Bellost, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études, et dans vos travaux sur l'architecture, sur les paysages industriels, avec le cas de la Bièvre, nous avons un phénomène intéressant parce que vraiment le déplacement, nous le voyons nettement, de ces activités qui nuisent à la vie des gens sur la Seine, puis sur la Bièvre, et puis une fois que la Bièvre est plus couverte, on descend, hein. On va en amont de la Bièvre. On va en amont, jouer en Josas, hein, c'est sur la Bièvre. Hein. On parlait tout à l'heure des fameuses fabriques d'indiennes. Et puis surtout, ça s'en va en banlieue et au-delà, en province. Hein. Et Paris, alors moi, je travaille sur Paris précisément, et j'aime rappeler que c'est une ville industrielle parce que elle ne s'avoue pas ville industrielle. Elle a presque honte d'avoir été ville industrielle. Bon, certes, il y a eu les révolutions successives et on a gommé un peu dans l'histoire ce passé industriel qui fait tache en quelque sorte par rapport à l'histoire politique, à l'histoire culturelle dans la ville. Or, c'est ça qui apporte la richesse, il faut bien le dire, si ça apporte les nuisances. Donc, il faut absolument se réconcilier avec ça. Et oui, c'est toujours ce paradoxe, cette tension que nous évoquions, ce bras de fer. Thomas Leroux, c'est tout à fait le cas à partir du moment où sont utilisés des produits, alors là, qui créent des nuisances presque une évidence, hein, c'est l'acide sulfurique, c'est malgré tout la question. Bah, quel est le poids de la nuisance par rapport à celui de l'enrichissement du pays? Oui, ça a été un débat, en fait. Alors, c'est un débat qui se posait déjà sous l'Ancien Régime, mais c'est un débat qui s'est renouvelé avec force dans les premières décennies de l'industrialisation, enfin, ce qu'on appelle la première révolution industrielle, et en France, avec la Révolution française aussi, parce qu'avec la Révolution française, les autorités anciennes ont été abolies, remises en cause, stigmatisées pour arbitraire, despotisme, etc. Et donc, les autorités de police qui régulaient toutes ces activités sous l'Ancien Régime, notamment avec cette solution qui était l'éloignement, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure un petit peu, sont remises en cause. Et les révolutionnaires vont débattre, en fait, les révolutionnaires en tant que politiques, mais aussi les chimistes, les entrepreneurs, les autorités de police locales, etc., débattent, lancent un grand débat sur c'est quoi la nuisance et comment arbitrer et où est-ce qu'on met le curseur entre activité de production et nuisance. Et l'extrait là de Jean-Noël Allais, ce médecin qui enquête en 1790 sur la Bièvre, parce que depuis un an, elle n'avait pas été curée, entretenue à la suite des bouleversements révolutionnaires et justement la fin de certaines autorités de police, est intéressant parce que c'est le moment où sur la Bièvre, par exemple, mais après de façon plus large au niveau national, mais sur la Bièvre, s'instaure un débat sur est-ce que cette Bièvre doit être industrielle ou pas. Et le caractère industriel de cette Bièvre a pu être remis en cause sous la Révolution française pour finalement, en 1801, décider avec l'autorité du préfet de police qu'elle reste une rivière industrielle. Mais plus largement au niveau national, il y a un débat qui est très vif parce que après 10 ans de décennies révolutionnaires où on comprend que les priorités politiques ou militaires étaient très importantes, finalement, la liberté a été donnée aux entrepreneurs de s'installer là où ils voulaient, avec les produits qu'ils voulaient, et ça aboutit en fait dans la plupart des villes de France à ce que les anciennes industries nuisibles qui étaient reléguées à l'extérieur en fait puissent finalement fabriqué dans la ville. Alors si on ajoute l'industrie du gaz d'éclairage qui naît à partir de 1815 ou les nouvelles machines à vapeur qui permettent en fait à certaines usines rurales le long des rivières de venir s'installer en ville, il y a toute une quantité de nouvelles nuisances en ville qui apparaît. Et finalement les autorités elles devaient finir par arbitrer et elles ont fini par arbitrer dans un sens qu'on dirait aujourd'hui industrialiste ou productiviste, en disant que finalement l'activité industrielle était bonne pour la société en général parce que ça aboutissait à la prospérité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait accepter des zones de sacrifice. Et ça aboutit en 1810 à un décret sur les industries qui dégagent une mauvaise odeur. C'était l'intitulé du décret, c'est-à-dire une loi, parce qu'on est en régime impérial, mais ça a valeur de loi, qui se substitue aux anciens règlements locaux et qui aboutit en fait à classer les industries en trois classes, mais dans un sens très protecteur pour l'industrie, pour le capital, sachant que l'argument c'était si on a investi dans une usine, on va pas la fermer parce que c'est très mauvais pour l'entreprise, la prospérité, etc. Et donc les voisins doivent supporter ces nuisances et les recours qu'ils peuvent avoir, c'est éventuellement une indemnité en justice civile pour des dégâts. Mais ce faisant, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi un basculement qui s'opère. Ce faisant, les industriels, grâce à cette loi 1810, ne pouvaient plus être poursuivis en justice pénale, donc en cour correctionnelle, voire en cour criminelle, puisque ce décret crée une justice administrative avec un recours au Conseil d'État éventuellement pour des fermetures d'usines. Ça arrive très rarement, hein. Mais ce qui est tout à fait nouveau parce que avant 1810, en fait, les industriels, les artisans qui polluaient, qui donc pouvaient provoquer des problèmes de santé publique, pouvaient être finalement poursuivis en justice pénale et condamnés comme délinquants, voire criminels. Et donc on a un nouveau régime industriel environnemental, on va dire, un nouveau paradigme du rapport entre société et l'environnement qui se met en place à partir du début du 19e siècle. Et c'est un changement assez massif. Thomas Leroux, je voulais terminer en posant la question. Que nous apprend ces débats de cette période 18e siècle pour, aujourd'hui? Vous avez donné l'élément de réponse essentiel, c'est-à-dire avant 1810, polluer pouvait être sanctionné. Oui, je synthétise ça avec des mots contemporains. Ça nous apprend premièrement que les sociétés sont toujours très conscientes des altérations du milieu dans lequel ils vivent et que parfois ça menace leur survie. Et que finalement c'est une histoire très politique, cette question de pollution. Ce n'est pas qu'une affaire de scientifiques, ce qu'on a tendance à nous dire régulièrement. C'est une histoire politique qui concerne finalement une forme de contrat social et d'arbitrage, donc qui est politique, à faire entre activités de production et relations sociales, finalement, entre des gens qui n'ont rien à faire avec cette production. Et puis c'est une histoire extrêmement humaine, presque charnelle par la nuisance elle-même que peuvent vivre aujourd'hui et qu'ont vécu nos ancêtres. Et puis cette histoire qui est patrimoniale, hein, Jean-François Bellost, vous avez vanté la beauté des gobelins, bien sûr, la Bièvre qui a disparu et qui existe toujours, mais toute cette histoire-là est encore dans nos mémoires. C'est important de le rappeler parce que c'était le quotidien de beaucoup de gens. C'est une Byzance. Et un quotidien, en effet, pas très agréable dans la plupart des cas, il faut bien l'admettre. Peut-être aussi, on parlait à l'instant des scientifiques, il faudrait évoquer les ingénieurs. Alors, pour le 19e siècle, Thomas, tu avais très bien montré que, pour ce qui concerne la Bièvre, un article consacré précisément à cette rivière, que les ingénieurs, tout d'un coup, sont mobilisés. Ils apparaissent surtout au 19e, c'est le siècle des ingénieurs, et on compte sur eux, en quelque sorte, pour réconcilier les choses en faisant les aménagements nécessaires. Ils sont souvent polyvalents, chimistes, architectes, et c'est vrai qu'ils sont là pour penser un peu les blessures. Bien, nous allons relire un peu la législation d'avant 1810. Merci beaucoup à tous les deux, Thomas Leroux, Jean-François Bellost, pour nous avoir parlé de la Bièvre particulièrement, mais pas que de la Bièvre, de la contamination du monde, le livre que vous avez écrit avec François Jarif. Thomas Leroux, merci vivement à tous les deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Savez-vous pourquoi la noblesse défendait ces bâtards? Au cours du Moyen-Âge, sous l'influence de l'Église chrétienne, le mariage est devenu le seul cadre légitime des unions. Ce qui explique que les enfants nés hors mariage, qu'on appelait fréquemment alors les bâtards, aient fait l'objet de discriminations à la fois juridiques, sociales et religieuses. Exclus de certaines charges publiques et de la cléricature, en règle générale, ils ne pouvaient pas hériter de leurs parents ni léguer leurs biens. Les seigneurs s'arrogeaient même un droit de bâtardise, au nom duquel ils confisquaient les biens des bâtards qui mouraient sans héritier légitime. Les mères de ces enfants illégitimes subissaient, elles aussi, cet opprobre, car à cette époque, l'honneur des femmes était conditionné par le critère de la chasteté et par la fidélité conjugale. C'est pour échapper à la honte publique que certaines d'entre elles pratiquaient des avortements, voire même des infanticides, sévèrement réprimés par la justice. Les recherches récentes ont néanmoins montré que la façon de traiter les bâtards pouvait énormément varier selon le milieu social. Les plus hostiles étaient les roturiers aisés, avides de charges publiques et d'office. Tous les enfants légitimes n'ayant pas accès à ces fonctions, étant donné leur rareté, les bâtards étaient perçus comme des concurrents qu'il fallait absolument écarter. Mais dans les sphères les plus hautes de la société, les enjeux étaient différents. Les actes de légitimation conservés dans les archives départementales et aussi les sources littéraires montrent que les bâtards étaient souvent très bien intégrés dans la société aristocratique. À cette époque, l'extension des liens familiaux était un atout essentiel grâce auquel les nobles pouvaient accroître leur influence. Ceux d'entre eux qui n'avaient pas d'enfants légitimes étaient enclins à compenser ce handicap en reconnaissant leurs bâtards. Cet usage social de la bâtardise permettait aux nobles d'agrandir leur réseau relationnel en fondant des branches nouvelles de leur famille d'origine. D'abord considérées comme de simples branches bâtardes, celles-ci étaient souvent perçues comme nobles quand la succession des générations avait effacé le stigmate de leur origine. Les bâtards étaient fortement sollicités aussi dans le domaine militaire, car ils étaient présentés comme de vaillants guerriers, sans doute parce qu'ils cherchaient à effacer la tache de leur origine illégitime en montrant leur bravoure au combat. L'exemple le plus célèbre du rôle joué par les bâtards au sein de la société aristocratique est celui de la cour de Bourgogne au XVe siècle. Philippe le Bon, né en 1396 et mort en 1467, fut le premier monarque à unir politiquement l'État bourguignon et les provinces qui font aujourd'hui partie des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. Père d'au moins 25 enfants bâtards, il s'appuya largement sur eux pour consolider son pouvoir. Les filles illégitimes furent mariées à des personnages influents de l'époque et les fils accédèrent à des postes importants. Ce fut le cas notamment de Corneille, surnommé le Grand Bâtard de Bourgogne, qui devint gouverneur général de Luxembourg, et de Philippe de Bourgogne, qui fut amiral de Hollande, puis évêque d'Utrecht. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Maïwenn Guizhou. Cette émission, ainsi que toutes les précédentes, ainsi que le pourquoi du comment de Gérard Noiriel, sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr, un site qui a fait peau neuve, et sur l'appli Radio France. France Culture, l'esprit d'ouverture.